Je finirai mon histoire quand tu rentreras ce soir. Je te dirai de mémoire mes tendres rêves d'espoir. Lorsque j'allais au collège, sans trop comprendre d'ailleurs que se refermait le piège de l'enseignement menteur. Va, mon fils, les heures passent, va rejoindre ton lycée pour être premier de classe. Vaut mieux pas trop la manquer. Le bonheur sur une échelle, moi je n'y crois pas beaucoup. On peut bien se passer d'elle, quand bien même ils sont tabous. Des moyens, il en existe, c'est à toi de les trouver. Quand tu entreras en piste, je ne pourrai que t'aider. Va, mon fils, les heures passent, va rejoindre ton lycée pour être premier de classe. Vaut mieux pas trop la manquer. Que l'on fasse des études pourrait être un bien en soi. Et pourtant, la solitude, tu sais, ça ne s'apprend pas. Et seules tes expériences te feront ouvrir les yeux, acquérir des connaissances. Sauras-tu d'en être heureux? Va, mon fils, les heures passent, va rejoindre ton lycée pour être premier de classe. Vaut mieux pas trop la manquer. Si les leçons d'humanisme n'ont pas cours dans les lycées, sous couvert d'apolitisme, on veut vous conditionner. Si nous avions su y faire, nous aurions pu rebâtir des écoles libertaires. Je sais, ça te fait rire. Va, mon fils, les heures passent, va rejoindre ton lycée pour être premier de classe. Vaut mieux pas trop la manquer. L'après-midi passe vite, j'ai parlé, parlé, parlé pour te dénigrer le mythe d'un système orienté. Tu as manqué tes cours, qu'importe, ce n'est pas très important. L'important, c'est que tu sortes prendre un peu l'air maintenant. Va, mon fils, les heures passent, va rejoindre tes copains, va draguer grand bien de face. Je sais, tu en as besoin. Va, mon fils, les heures passent, va rejoindre tes copains, va draguer grand bien de face. Je sais, tu en as besoin. Va, mon fils, les heures passent, va rejoindre tes copains, va draguer grand bien te fasse. Je sais, tu en as besoin. Va, mon fils, les heures passent, va rejoindre tes copains, va draguer grand bien te fasse. Je sais, tu en as besoin.